Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une habitude. Cette semaine, on rediffuse, après la mort de Castro, raconter l'histoire de Cuba, un documentaire de Léa Garrigue réalisé par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a la mort de Fidel Castro, qu'on avait fini par croire éternel après avoir vu passer 11 présidents américains. Et après ça, l'envie de sonder les mémoires cubaines pour faire l'inventaire des espoirs et des désillusions entre fierté des acquis et haine de la répression. Et puis il y a aussi la féroce nostalgie de ceux qui sont partis et cet horizon de l'autre côté de la mer, à Miami, qui attire ou révulse ceux qui sont restés. En tous les cas, on en revient toujours à Castro et même à Cuba, ou plutôt surtout à Cuba, on ne pouvait pas croire qu'un jour il ne serait plus là. Alors pour commencer, les personnages. Un barbu qui fait la pluie et le beau temps, un monument enfin affaibli, un frère qui marche dans les pas de son aîné, la barbe en moins, des Havanais, un journaliste qui préfère rester, une étudiante qui n'en croyait pas ses oreilles et d'autres qui pleurent rien qu'à l'idée de la mort de Fidel. Ensuite le décor, des portraits du vieux barbu, des cafés où l'on peut parler tranquille, des textes qu'on préfère ne pas lire à voix haute, des rancunes et des rêves, un silence assourdissant et les rues de la Havane. Aujourd'hui, 4e épisode, on est à Cuba, dans la rue, et la journée commence. Cuba, silence radio, par Léa Garrigue et Jean-Philippe Navarre. Silencio, por favor! Proclamation du commandant en chef au peuple de Cuba. À cause des énormes efforts réalisés pour visiter la ville argentine de Córdoba, des jours et des nuits de travail continuels, sans à peine dormir, ont donné lieu à ce que ma santé, qui a résisté à toutes les épreuves, soit soumise à un stress extrême et se brise. Cela m'a provoqué une crise intestinale aiguë avec un saignement permanent qui m'a obligé à affronter une opération chirurgicale complexe. L'opération m'oblige à rester au repos plusieurs semaines, éloigné de mes responsabilités et charges. Comme notre pays se trouve menacé dans des circonstances comme celle-ci par le gouvernement des États-Unis, j'ai pris les décisions suivantes. Premièrement, je délègue à titre provisoire mes fonctions comme premier secrétaire du comité central du Parti communiste de Cuba au second secrétaire, le camarade Raúl Castro Ruz. Deuxièmement, je délègue à titre provisoire mes fonctions comme commandant en chef des héroïques forces armées révolutionnaires au camarade mentionné plus haut, le général d'armée Raúl Castro Ruz. Troisièmement, je délègue à titre provisoire mes fonctions comme président du Conseil d'État et du gouvernement de la République de Cuba au premier vice-président, le camarade Raúl Castro Ruz. Cette proclamation est lue par le secrétaire particulier de Fidel Castro, Carlos Valenciaga. Mal à l'aise, rigide, il crie presque pour annoncer la nouvelle comme si cela allait la rendre plus compréhensible. L'espace d'un instant, le temps s'arrête. Tout le monde retient sa respiration. On fait silence. C'est un véritable électrochoc à Cuba. Fidel, le commandant-chef de la révolution, qui dirige le pays depuis 47 ans, est mortel. C'est le début du mois d'août, la saison des cyclones. Le soleil est à son paroxysme et la chaleur suffocante. Pendant les jours qui suivent, l'état de santé du président est classé secret défense. Les rumeurs les plus folles et les plus contradictoires voient le jour et circulent entre amis et au sein des familles. Dans les rues, la présence policière est considérablement renforcée et les réservistes sont mobilisés. Le pays est sur le pied de guerre et se prépare contre une hypothétique invasion américaine. Officiellement, la continuité est assurée, mais après cette déclaration, du côté des autorités, c'est le silence radio. Viva la révolution, viva el socialismo, hasta la victoria siempre. Silence radio. Sens militaire. Interruption volontaire de toute émission électromagnétique destinée à éviter de signaler sa position à l'ennemi. Sens figuré. Absence de manifestation, de prise de position. Aujourd'hui, jour de silence, un jour pas comme les autres. Il n'y avait personne en train de discuter dans la rue, personne qui discutait en faisant la queue pour le pain, personne qui râlait dans la queue pour l'autobus, personne qui faisait du bruit. La ville s'est réveillée dans un silence si profond que j'ai eu peur et que je ne suis pas sorti. Je me suis réfugié dans les hauteurs et je l'ai regardé depuis la terrasse. Le soleil de 11 heures m'a obligé à redescendre. Le soleil de l'été t'empêche de rester en un point fixe. Je crois bien qu'en fuyant le soleil, j'ai croisé mon voisin. D'un air mystérieux, il m'a appelé et m'a dit « Tu as entendu, il est mort ?» C'est le seul commentaire que j'ai entendu de la journée. On avait l'impression, Tchatchi et moi, d'être les seuls à être préoccupés par la nouvelle. Ou alors on a parlé, ne serait-ce que pour meubler le silence, je ne sais pas. Un mot, un autre, une hypothèse, une autre, une confirmation. Tout était bon pour meubler le silence, pour tromper l'incertitude. Ils ont mobilisé un de mes amis. Peut-être vont-ils me mobiliser, je ne sais pas. J'écris pendant que je peux le faire. C'est pas grand-chose, je sais. Il est difficile de parler dans le silence. Chers compatriotes et amis. Attends une seconde. C'est pourquoi ça? Simplement pour que tu le lises, toi, de façon naturelle. Oui, non, c'est pas ça, je veux dire, parce que je peux te donner mon avis. Mais là, je suis en train de lire les paroles de Fidel. C'est ça. Non, mais fais comme si tu étais simplement en train de lire les nouvelles, sans plus. Mais moi, je lis la proclamation à voix haute, et toi, tu es en train de m'enregistrer. Ça peut pas aller. Je sais pas, ce sont ces paroles, et je lis, et après, je vais te donner un avis. Tu comprends? Bon, tu veux pas la lire? Ça me semble plus judicieux de ne pas la lire. D'accord, comme tu veux. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Ça me semble plus judicieux de ne pas la lire parce que moi, je vais te donner un avis. Or, si je la lis, c'est comme si je donnais encore plus d'importance à cette histoire qui est bien compliquée pour nous, les Cubains. Elle est compliquée parce qu'il s'agit de lui. Et je ne veux pas... Je ne voudrais pas m'afficher. Parce que eux, après, ils interprètent. Je ne veux pas m'afficher. Déjà, le fait d'être là, c'est comme prendre position sur ça, et je suis sans doute le seul à le faire. Non. Deux ou trois autres le feront peut-être, pas plus. Il y en a d'autres? Maintenant, c'est peut-être la façon de le faire. Hein. Je ne prends pas l'image. Bien évidemment, c'est parfaitement anonyme. Il n'y a pas de générique, pas de remerciements. Non. Ça va comme ça? Lui, c'est un artiste. Il a bientôt 50 ans. C'est une des premières personnes que j'ai connues en arrivant à Cuba. L'annonce du retrait provisoire de Fidel Castro me fait l'effet de l'approche du passage d'un cyclone. Elle provoque la même nervosité chez les gens, la même angoisse palpable, la même incertitude. Tant qu'on ne sait pas qui il va toucher, ni avec quelle intensité. On attend de savoir ce qu'il va se passer. Je vis à Cuba depuis plusieurs années et j'ai demandé à des proches de témoigner. De l'étudiant au retraité, ce sont 5 voix pour certaines anonymes qui vont se croiser. Adriana, elle, a fini récemment ses études de médecine. Elle fait partie de cette jeune génération qui a surtout connu la période spéciale, la période des années de crise qui ont suivi la chute de l'Union soviétique. Ça a été très confus pour moi, très très confus. Ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Et avec le travail de tous les jours, parfois, on n'a pas le temps de penser. Je ne parle avec personne de ces choses parce que je n'y arrive pas, parce que je suis désorientée et je n'ai pas d'informations qui me permettent de penser par moi-même. Au sein de ta famille, tu n'en parles pas? Ma maman, comme si de rien n'était, je lui dis... Une amie m'a dit qu'elle pensait que Fidel était mort. Et elle me répond, vraiment? Et elle s'est sentie mal. Elle est devenue toute triste et son visage a totalement changé d'expression. Elle aime beaucoup Fidel. Elle l'aime vraiment. De fait, chez moi, il y a un tableau de Fidel qui n'a jamais changé de place et il est là, je dirais, depuis 30 ans. Comme si nous étions encore dans les années 80. Mais ma maman y est profondément attachée. Je pense vraiment qu'elle est très sincère au sujet de tout ça et qu'elle est très sûre de ce qu'elle pense et de ce qu'elle croit. C'est en ça que je l'admire beaucoup, parce que, en réalité... Mira. Écoute, je ne me souviens plus très bien où j'étais. Par contre, ce dont je me souviens, c'est lorsque je suis rentré à la maison. L'image la plus forte qu'il me reste, c'est celle de mon père, penché en avant sur sa chaise, le visage pratiquement collé à l'écran de la télé. Et ma mère, les yeux grands ouverts et les mains sur le ventre. Et pour moi, c'est une image très forte, une image préoccupante. Pour moi, voir ma mère comme ça et le fait que Fidel tombe malade, c'est un voyage. Même si beaucoup ne veulent pas le reconnaître, c'est un voyage vers l'incertitude. C'est comme un tunnel très sombre qui va vers je ne sais où. Je pense que le pays est tranquille. Mais en bons Cubains que nous sommes, ambigu, contradictoire, le pays n'est pas tranquille non plus, c'est incontestable. Les gens ont peur. C'est normal d'éprouver une certaine crainte face au changement. À un changement, à un événement, à la possibilité que les Américains viennent nous envahir ou que les gens de Miami viennent ici. C'est tout à fait normal que l'on éprouve cette crainte. Je crois même que ceux de nos proches qui vivent à Miami sont préoccupés. Car on dirait que Fidel, c'est le pays tout entier. J'étais au cinéma avec un ami, et à la sortie, arrive une autre amie, et on commence à parler. Et c'est là qu'elle me dit, « Tu sais, j'ai vu cet après-midi une proclamation de Fidel qui disait que... » Bref, elle nous répète ce qu'elle entend. Alors là, je suis restée scotchée, et je lui ai dit, « Non, tu me fais marcher. » Parce que pour moi, c'était un moment trop... Bien sûr, il a 80 ans, alors ça devait arriver un jour ou l'autre, mais tout de même ça m'a vraiment surprise. Je ne pouvais pas le croire. Elle est donc restée avec nous pour raconter tout ça, et on a commencé à parler de ce qu'on en pensait. Et puis, notre ami d'un coup se crispe et nous dit, « Regardez cet homme qui est debout là-bas en face, il nous regarde. Écoute, il faut baisser un peu la voix parce qu'on ne sait jamais. » Et là, commence cette paranoïa collective qui s'empare des gens quand ils parlent. Et de se demander si ce ne seraient pas des agents de la sûreté de l'État, ou ceci, ou cela. Je suis donc rentrée chez moi et j'ai attendu, assise devant la télévision, que le programme se termine et qu'il repasse la programmation. Et quand je l'ai vu, j'ai tout écouté attentivement. Je demande à tous que le 80e anniversaire de ma naissance, que des milliers de personnalités ont si généreusement voulu célébrer le 13 août prochain, soit reporté au 2 décembre de cette année, 50e anniversaire du débarquement du Grand Mât. Je demande au Comité central du Parti et à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire l'appui le plus ferme à cette proclamation. Je n'ai pas le moindre doute que notre peuple et notre révolution lutteront jusqu'à la dernière goutte de sang pour défendre ses idées et ses mesures, ainsi que d'autres qui soient nécessaires pour sauvegarder ce processus historique. L'impérialisme ne pourra jamais écraser Cuba. La bataille d'idées continuera d'aller de l'avant. Vive la patrie, vive la révolution, vive le socialisme, toujours jusqu'à la victoire. Signé Fidel Castro Ruz, commandant en chef, premier secrétaire du parti et président des conseils d'État et des ministres de la République de Cuba. C'est dingue. Et en plus, comme tu ne sais rien, il y a eu la proclamation et après, plus rien, plus aucune information. Certains disaient que ça faisait déjà un moment qu'il était mort et que ça laissait le temps pour une transition politique. Bref, que c'était évident que quelqu'un devait faire quelque chose. D'autres ont vraiment trouvé très bizarre que personne ne s'exprime, qu'il n'y ait pas eu de manifestation de gens ou pour ou contre, ni même de table ronde. Non, pas une table ronde, mais tu sais, une tribune anti-impérialiste, voilà, ce genre de choses. Bref, tout était très bizarre. Tout était tenu secret. Tout était très tranquille. Et les rumeurs qui couraient inquiétaient davantage que... Pour les uns, c'était la guerre. Ailleurs, c'était deux cinémas qui avaient brûlé. Et que les tanks étaient en route pour Guantanamo. Bref, entre ceux qui affirmaient qu'il y allait avoir une intervention des États-Unis, qu'il y allait avoir la guerre, un grand nombre de mes camarades, des médecins et d'autres, ont été mobilisés. Mais pas un mot de tout ça à la télévision. Tu ne savais rien, tu ne savais absolument rien. Et dans la rue, tu marchais, et ce que tu voyais, ça oui, c'était des policiers partout. Que s'est-il passé? Il ne s'est jamais rien passé. Où est Fidel? On n'en sait rien. C'était la confusion totale. Il y a une absence d'information. Beaucoup craignent que toute cette histoire de la maladie de Fidel Castro ne soit qu'une mise en scène et qu'à un moment, il revienne triomphalement occuper toutes ses fonctions. Qu'il revienne contrôler tout ce que les autres ont fait en son absence. Et cette peur engendre la peur. Toutes les personnes qui vivent à Cuba, qui ont un poste plus ou moins officiel, qui travaillent pour l'État, sont là parce qu'elles ont reçu l'aval d'une entité de l'État qui les a autorisées à faire ce travail. Et aucune de ces personnes ne veut mettre en péril sa situation présente parce qu'on ne sait rien. En fait, tout le monde joue la modération. Les opposants souhaitent un Fidel Castro un prompt rétablissement et les brigades d'action rapide n'ont pas convoqué de rassemblement pour les condamnations publiques, ce qu'on appelle les actos de repudio. Comment interpréter ça? Pour ma part, je pense qu'il s'agit d'une modération due à la peur panique. Et toi, pourquoi acceptes-tu d'être filmé? Peut-être. Bon, je m'appelle Reynaldo Escobar, je suis journaliste indépendant. Tellement indépendant que je n'appartiens à aucune organisation de journalistes indépendants du pays. Je publie mes articles dans une revue sur Internet, faite par un groupe de Cubains et qui s'appelle Consensus. Je publie aussi dans quelques journaux allemands, toujours sous mon nom entier et avec ma photo. Et une fois que quelqu'un franchit ce cap, il devient un homme libre. Donc la question n'est pas pourquoi je le fais maintenant, n'est-ce pas? Mais pourquoi j'ai été conduit à le faire? Et j'ai été amené à le faire parce que c'est un processus progressif. Je me suis peu à peu comporté en homme libre. Je préfère subir cette tension intérieure, celle d'avoir peur des conséquences de ce que je dis, que subir la tension intérieure de me taire. Quelle tristesse de devoir dire à ton fils « Oui, je me taisais, oui, ton papa avait peur ». C'est simplement que je ne veux pas vivre en ayant peur. J'ai peur de vivre en ayant peur. Voilà ma peur. Barquito de papel, mi amigo fiel, llévame a navegar por el ancho mar. Quiero conocer a niños de aquí y de allá y a todos llevar mi flor de amistad. Abajo la guerra, arriba la paz. Los niños queremos reír y cantar. Umbe. Umbe. Il s'est endormi. Oui, au jardin d'enfants, là, on leur apprend que Fidel est le papa, le grand-père, que sais-je encore. Eh oui. Oui, le bon grand-père Fidel. C'est une personne qui n'a pas de défauts. Et c'est ce qu'on répète aux enfants de leur plus jeune âge. C'est plus tard que tu réalises, si tant est que tu réalises ou que tu veuilles réaliser parce qu'il y en a qui réalisent, mais c'est pas leur souci ou tout simplement ça ne les intéresse pas. Tu te rends compte de tout ce qu'on t'a fourré dans la tête. C'est de là que viennent tous les problèmes. Aujourd'hui, c'est le jour des 80 ans de Fidel Castro. Bien que toujours malade, les jeunes pionniers lui fêtent en grande pompe son anniversaire. La télé chez Sandra trône sur le frigidaire de la pièce à vivre, qui fait à la fois office de chambre, salon et de salle à manger. Elle vit dans un de ces palais coloniaux de la vieille Havane, qui a été réquisitionné au lendemain de la Révolution et découpé en un grand nombre d'appartements pour répondre aux besoins en logement. La promiscuité est de mise. On jongle ici au jour le jour entre les coupures d'eau, d'électricité et de gaz. Ici, on vit à trois générations. Son père est parti quand elle avait 10 ans, sans prévenir. Elle a su qu'il était bien arrivé aux États-Unis et depuis, plus de nouvelles. Elle est comptable, elle a 36 ans. Je crois qu'ici, dans ce pays, tout est parfaitement verrouillé. De fait, c'est vrai qu'il y a eu déjà avant des tentatives pour faire bouger les choses. Et comme tout est si bien calculé et manipulé, ça n'a jamais été que des tentatives. Ça a été le cas pendant la période spéciale, ces manifestations du 5 août de l'année 1994. Des manifestations provoquées par une terrible famine, par une situation économique épouvantable. Ce n'est pas le cas maintenant. Mais chaque fois qu'un problème surgit, la solution des gens d'ici, ce n'est pas de rester et de changer les choses, mais de partir. Et ceux qui restent, qu'ils se débrouillent. C'est un mélange de résignation et de crainte. Et tout simplement, les gens se taisent, restent à la maison, ne font rien. C'est une échappatoire en somme. Et rien ne se passe. Tu regardes à la télévision ce qu'on veut que tu regardes. Je veux dire que ce n'est pas comme d'autres pays où je sais qu'il y a une manipulation constante et que l'argent généralement commande tout. Mais il y a aussi beaucoup d'options et en ayant autant de possibilités et en les reliant les unes aux autres, tu arrives d'une façon ou d'une autre à mieux te faire ta propre idée, tu comprends? Mais si, non. Il n'y a qu'une seule option. Si tout est bien, tout est parfait. Et ça ne s'arrangera jamais parce que si tout est bien, si tout est parfait, qu'est-ce que tu veux arranger? Alors ça aussi, ça contribue à ce qu'il n'y ait pas une culture qui te permette d'améliorer les choses. Vu que tu ne sais pas vraiment ce qui se passe, personne ne prend de risque. Mais tu ne crois pas justement que c'est le moment d'impulser un changement? Je ne crois pas. Bon. Si tu me demandes si je vais participer, ma réponse est non. Ou si je vais faire quelque chose, ma réponse est non. Je ne l'imagine même pas. Et pourquoi? C'est peut-être aussi un peu de lâcheté. Et également cette peur qu'on m'a inculquée depuis que je vais à l'école, depuis que je regarde la télé. C'est clair que les esprits sont manipulés par les médias. Tu ne dois pas penser par toi-même. Il faut attendre ce que va dire Fidel, voir ce que dit le journal officiel Gramma pour que, moi, je pense, et c'est très dur. Sortir de ce cycle, c'est un exercice de volonté qui est très dur. Et toi, il ne t'est jamais rien arrivé? Bien sûr. J'ai toujours plus le droit d'exercer cette profession à Cuba. J'ai travaillé comme journaliste pendant 18 ans, et ça fait 18 ans que je ne fais plus ce métier. Alors, je pense m'être acheté d'avoir soutenu le système en tant que journaliste officiel. J'ai eu la chance de pouvoir publier un petit nombre de choses et d'autres qui ont fini dans le tiroir du directeur. Je les ai écrites, mais elles n'ont jamais été publiées. Finalement, elles m'ont valu d'être expulsé et de mon centre de travail et de la profession. Ça ne m'est pas arrivé parce que je critiquais le système. Ça ne m'est pas arrivé parce que je proposais un retour au système capitaliste, ni parce que j'ai proposé une petite ouverture du marché, peut-être qu'il y ait plus de liberté. Ça m'est arrivé pour la seule et unique raison que je n'ai pas applaudi avec suffisamment d'enthousiasme. La seule faute que j'ai commise pour être chassé du journalisme officiel, c'est celle-ci, ne pas applaudir avec suffisamment d'enthousiasme. C'est une faute très grave que ne peut se permettre aucun journaliste. Et après ça, j'ai vraiment regretté. Je me suis senti même très triste, même fait une dépression, parce qu'on m'a refusé la possibilité d'exercer mon métier. Mais avec le temps, je suis très reconnaissant envers les personnes qui ont pris cette décision à mon sujet, parce qu'elles ont fait de moi un homme libre. Jours ont passé depuis la proclamation de Fidel et on publie enfin des photos de lui dans le journal Jeunesse Rebelle. Ma mère s'est mise à pleurer lorsqu'elle a vu à la télévision Raoul qui accueillait Chavez à l'aéroport. Certains de nos amis, quel que soit leur métier, continuent d'être mobilisés en province et dans mon comité de défense de la Révolution, les tours de garde, les sessions de travail volontaire et les réunions ont repris. Rumeurs de guerre. Certains disent qu'il y a des manifestations isolées contre le régime et d'autres prétendent que Guantanamo est sur le pied de guerre. Mais comment savoir ? Vu du ciel, les policiers de la Havane doivent ressembler à de tout petits points gris et bleus. La ville semble aussi calme que l'œil d'un cyclone. Chez eux, les gens parlent de ce qui pourrait arriver. Et dans la rue, la chaleur est la seule chose dont on parle vraiment. Je t'embrasse, Adriana. C'est que parfois, on ne peut pas donner d'informations pour des questions stratégiques, militaires et tout ça. Et pas pour autre chose. Ici, nous avons su, dès le premier instant, ce qui se passait. Le peuple est devenu plus vigilant. Il s'est préparé pour le cas où un fou, un de ceux qui vivent à Miami, croirait que c'en était fini de Fidel. Si c'en est fini de Fidel, c'en est fini de la révolution. Et les voilà lancés. Tu as été au courant de la réaction aux États-Unis ? À Miami, ils sont descendus dans la rue, ils ont crié des vivas, ils ont commencé à préparer à nouveau les valises. Comme au moment de la période spéciale, où ils n'ont pas eu à les défaire, tout comme maintenant ils n'auront pas à les défaire. Mais bon, malgré ce problème, Cuba s'en sort. Et je crois, je me demande pourquoi quelqu'un peut penser que Cuba ne s'en sortira pas. Parce que nous avons subi, je répète, nous avons subi une intervention chirurgicale plus grave que celle qu'a subie le commandant. C'était au moment de l'effondrement du camp socialiste. Là, nous nous sommes retrouvés seuls, complètement seuls, et sous blocus. Et pourtant, la révolution n'a pas cédé. La révolution est devenue plus forte. La révolution a appris à vivre sans le soutien de l'Union soviétique et des autres pays socialistes. Et je vois chaque jour que d'autres pays d'Amérique se rallient à cette lutte. Actuellement, nous avons la Bolivie avec Evo Morales qui effectue un changement radical. Que font ces pays ? Ils alphabétisent. Est-ce que le capitalisme alphabétise quelqu'un ? Personne. Pourtant, ici, il y a des centaines de Cubains qui enseignent à d'autres, et ces derniers enseignent à leur tour aux leurs, pour qu'il n'y ait pas d'analphabète. Pourquoi l'impérialisme ne fait-il pas la même chose ? Parce que ce dont l'impérialisme a besoin, c'est d'un peuple analphabète, car un peuple analphabète, on le trompe plus facilement. Cette question d'affronter tous les problèmes et de ne pas croire aux difficultés, de transformer l'échec en victoire, ça, c'est l'éducation que j'ai reçue du système. Et par là même de lui. Nous, parfois, on se réunit entre opposants plus ou moins avérés. Il m'arrive de dire, en guise de plaisanterie, « Messieurs, comme nous l'a appris le commandant, nous devons tenir bon. » Merci pour mon café. Tu veux dire que tu te considères comme un fils, comme un produit de la Révolution ? Ça, c'est sûr. Moi, je suis né en 1947. J'avais 11 ans. 11 ans quand la Révolution a triomphé. Et pour moi, toute ma famille aussi, ça a été une joie immense d'apprendre le triomphe de la Révolution. Des hommes qui descendaient de la Sierra Maestra avec leurs cheveux longs, leurs barbes, leurs uniformes vert olive, avec autour du cou des colliers de graines sauvages, en armes, sur leurs tanks, défilant dans les villes, en une caravane qui était la marche triomphale des vainqueurs. Ça, c'est une image que je ne pourrai jamais oublier. C'est-à-dire la possibilité que Robin des Bois, fatigué de dévaliser les riches sur les chemins, arrive au palais et s'empare de tout. Cette idée relevait tout simplement de l'imagination. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Et voir Robin des Bois prendre le palais et distribuer toutes les richesses, c'est quelque chose qui nous a tous beaucoup impressionnés. Ce que nous avons appris plus tard, c'est que distribuer les richesses, c'est une chose et les faire fructifier. C'en est une autre. Et il est clair que Fidel Castro a fait preuve d'une capacité sans pareille pour redistribuer la richesse, tout comme d'une réelle incapacité pour la renouveler. Ici, le socialisme n'existe plus. Ce qui existe ici, c'est un capitalisme déguisé. La seule chose que connaissent les générations actuelles, c'est ce qui existe. Bon, l'idée initiale était bonne, mais ce qu'elle est devenue ne correspond plus aux espérances. Désormais, tout ça, cet esprit d'unité, d'égalité entre les gens, c'est fini. Dès l'instant où le dollar est entré ici et qu'on a eu affaire plus à du capitalisme qu'à du socialisme, tout ça s'est perdu. D'un certain point de vue, je me considère révolutionnaire. Révolutionnaire si l'on considère que je veux changer ce qui ne va pas. Et c'est ça le fondement de l'attitude révolutionnaire. Mais ici, être révolutionnaire, c'est faire tout ce qu'ils veulent que tu fasses. Je veux dire, c'est jouer un rôle. Être révolutionnaire, c'est faire ceci, ceci, cela, que ce soit bien ou mal, qu'importe. Tout cela n'est qu'un mensonge. Un grand mensonge. Ce que je veux, c'est sortir de cette situation, sortir d'ici. Parce que ça relève plus du mental que de l'économique. C'est comme une prison et je suis fatiguée d'entendre les mêmes mensonges. Et je suis fatiguée d'entendre les mêmes choses et c'est sans issue. 5 libras de arroz, ¿cuántas latas son, Dianel? Ahora estuvo en Miramar. Tú sabes si en Miramar hay arroz con la libre. En la bodega no hay. Hay que acabarse de preocupar. Il faut qu'on commence à se préoccuper de nos problèmes, des problèmes que nous avons, économiques, la façon dont nous contournons le blocus. Et il faut s'attaquer aux problèmes concrets des mauvais états des rues, car ça ne nous plaît pas à nous les Havanais de voir la Havane dans cet état. Et aux problèmes des bus, du transport qui est très sérieux, ça fait des années qu'on en parle. Il faut régler ce problème, il faut se régler ce problème absolument. C'est à cela que moi je consacrerai du temps, parce que ce sont les doléances des gens. Le problème du logement, par exemple, qui est tellement grave. Jusqu'à quand va-t-on dire, oui, nous allons résoudre le problème du logement? Mais jusqu'à quand? Les gens n'ont qu'une vie. Ils n'ont qu'une vie. Tiens, autre chose. Les gens ressentent le manque de perspective. Et on ne peut pas toujours rejeter la faute sur les États-Unis. C'est préoccupant, je le vois ainsi. Et je le sens, je le perçois chez les autres. Et je suis habitué à ce qu'on nous cache tout. Je suis habitué à voir un type qui se suicide au coin de la rue. Et toi, tu ne connais pas le niveau de suicide qu'il y a dans ce pays. T'es obligé de l'apprendre par une revue étrangère. Et je ne te parle pas des putains touristes, qui sont des cas super évidents. Et ça, c'est plus inquiétant que tout. Ça, c'est plus inquiétant, à mon avis, que les gens de Miami. Les gens de Miami sont toujours en train de dire des conneries là-bas. C'est le tunnel dont je te parlais au début. L'incertitude. L'incertitude. Les gens ressentent le manque de perspective. Et ils ont le droit de le penser. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Tu ne peux pas tout absolutiser. Le totalitarisme. Parce que personne n'est pareil. On peut avoir des choses en commun, mais avancer avec nos différences. Mais il faut dire ce qui ne va pas et ce qui marche. Il faut tout dire, sans crainte. Et une chose que... Il y a une chose que je voulais te dire, c'est que Fidel a dû s'occuper de tout dans ce pays. Et même de comment on fabrique les cocottes minutes. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Le chef de famille, il doit être au courant de tout. Il doit s'occuper de tout, il doit tout diriger. Que tous soient égaux, qu'il n'y ait de préférence ni pour l'un ni pour l'autre. Et un dirigeant doit être comme ça, comme les fidèles qui se soucient de tout et analysent tout. Peu importe les dépenses du pays quand il est question de sauver le peuple de quelque chose. Et voilà un exemple concret. On en a connu des ouragans ici à Cuba. Et immédiatement, le pays entier se mobilise et ceux qui vivent dans des coins reculés, ceux qui vivent dans des endroits inondables sont évacués. Ça, seul un gouvernement dirigé par un homme comme Fidel Castro le fait. Et si l'on regarde, je te donne un exemple, ce qui s'est passé avec l'ouragan Katrina, qui a balayé Cuba et n'a pas coûté une seule vie humaine. Et une fois arrivé dans un pays comme les États-Unis, un pays développé, qui a tout, on a compté là-bas plus de 2 ou 3 000 morts. Le cyclone Ernesto, qui rappelle le nom du Che, s'annonce d'ailleurs aux portes de Cuba. Pendant près d'une semaine, les consignes de sécurité et de prévention, habituellement relayées par Fidel Castro en personne, vont faire la une des médias et occulter le sujet le plus important, la santé de Fidel Castro. Aux difficultés quotidiennes vient s'ajouter le sentiment d'enfermement qu'on peut avoir sur une île comme Cuba, où les mouvements, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, sont strictement contrôlés. Un jour, à Marielle, des enfants étaient au bord de la mer et rêvaient d'un ailleurs. Bien des gens trouvent la solution de leurs problèmes en quittant le pays. Si je pense à l'avenir personnel de ces individus, je dis que oui, bien sûr, ils le font bien, qu'ils trouvent leur chemin. Mais si je pense à mon pays, je ne peux que leur dire qu'ils nous abandonnent vraiment. À Cuba, depuis 1960, il y a une loi qui stipule que les personnes qui abandonnent définitivement le pays voient leurs biens confisqués. Lorsque quelqu'un a passé plus de 11 mois hors de Cuba, il est considéré automatiquement comme un déserteur, et c'est une situation qui n'existe pas dans d'autres pays. Je veux dire, c'est plus dramatique pour nous. Nous, par exemple, quand on nous dit que quelqu'un est parti à l'étranger, te pose la question de « rester ». Ce verbe « il est resté », ça veut dire quoi ?« Il est resté ». Ça signifie abandonner le pays. Ne plus revenir, se voir confisquer ses biens. Plus jamais la personne ne pourra revenir à Cuba en tant que citoyen. Il ne pourra revenir qu'en tant que touriste. Il n'a plus le droit. Ça veut tout dire. Il est resté. Les amis que j'ai à l'étranger, c'est évident qu'ils n'en pouvaient plus de vivre à Cuba. Et ils souffrent et ils ont de la nostalgie. Moi aussi, j'ai failli partir. N'en pouvant plus de batailler. Et je ne suis pas resté par patriotisme. Je suis resté parce que j'aime mon métier. Et aussi parce que ça me coûte de me séparer de la famille et tout ça. Mais j'ai bien failli. Mais mes amis, ils sont partis parce qu'ils voulaient de meilleures conditions de vie. Car ici, ils étaient asphyxiés, comme je l'ai été moi-même. Et comme je continue de l'être. Parce qu'il s'agit d'une asphyxie. C'est une asphyxie. Et celui qui n'a pas le courage de le dire ou de le reconnaître, c'est un pauvre type. Je crois que, sans parler des mécanismes créés par la révolution elle-même pour se défendre, à savoir, si tu sors du rang, on te brise. Et si tu sors un doigt, on te le coupe. Donc, sans parler de ça, je crois qu'il y a une contradiction qui te fait à la fois douter, rester, critiquer et défendre la révolution. Je le crois sincèrement. J'ai toujours ressenti ça. Il y a des moments où je me suis moi-même insurgé et j'ai dit « Mais pourquoi ils font ça ? Mais quelle merde ! » Et d'autres où je dis « Regarde ! » Mais ça, c'est une bonne idée. Elle est valable. Donc, à mon avis, le Cubain est pris dans cette contradiction. Et comme il a peur de ce qui va se passer, il fait avec. Mais moi, je pèse le pour et le contre. Et je pense que je ne pourrais pas vivre loin de mon quartier, de mon coin de rue, sans certaines choses. La famille compte beaucoup pour moi. Tu sais que nous sommes de grands sentimentaux et que nous sommes très famille. Mais pour moi, c'est bien. C'est une des choses de Cuba que j'aime. D'un autre côté, ce n'est pas tout à fait ça. Bon, pour les raisons que tu sais. Cette histoire des deux monnaies et les difficultés économiques, ça ne me plaît pas de voir que quelqu'un d'un autre pays vienne à Cuba et puisse offrir plus de choses. Aller à la plage, logés dans des hôtels où travaillent les Cubains, alors que toi, tu travailles aussi et que ton argent ne vaut presque rien. Et ça, ça ne me plaît pas du tout. J'aimerais, oui, j'aimerais vivre à Cuba et travailler à Cuba. Quoique, je n'ai qu'une vie pour te voir. Ici, tout prend du temps. Et j'ai de la peine pour mes parents. Pour ma mère qui a travaillé toute sa vie et qui n'a rien. Parce qu'elle n'a rien, rien de rien. La seule chose qu'elle a, c'est la maison. Mais elle n'a pas d'argent à la banque. Pareil pour ma grand-mère, qui a travaillé depuis toute petite et qui me dit elle-même, « Ah, avoir ma petite maison, et qui n'a rien non plus. » C'est là où on se rend compte que, oui, qu'émigrer est une solution. Pour résoudre les problèmes de la famille, tu te dis, émigrer et leur envoyer de l'argent. Mais bon, pour combien de temps encore ? Quoi qu'il arrive demain, que Fidel meure ou qu'on en mette un autre au pouvoir, dans ce pays, il y a trop de problèmes pour que ma situation change à court terme. Comme il n'y a qu'un seul parti et qu'on ne sait pas si l'opposition existe ou non, on sait qu'il y a des opposants, mais tu ne sais pas qui ils sont, ni ce qu'ils pensent. Donc pour moi, c'est sans solution. Pour moi, la solution, c'est de faire ce que tout le monde fait, s'en aller. À eux. Eux, les Américains, ce qui leur convient, c'est que les gens tentent le tout pour le tout et prennent la mer. Et comme ça, ils peuvent les montrer à la télévision et dans les journaux, ils quittent Cuba sur des radeaux. Mais pourquoi ne montrent-ils pas les Mexicains qui émigrent et qui sont tués et contre lesquels ils construisent un mur? Les États-Unis sont en train de construire un mur pour les empêcher de passer. Et si d'aventure ils passent, ils sont pris, on les renvoie. On les jette en prison et on les renvoie. Le Cubain, lui, qu'est-ce qu'il obtient? Sitôt arrivé, il passe à la télévision, reçoit de l'argent et de l'aide pour s'installer. Ce qu'ils font aux immigrés des autres pays, ça s'appelle de la discrimination. Mais c'est comme ça pour la simple raison que nous ne faisons pas ce qu'ils veulent. Nous ne sommes pas leurs esclaves et nous ne le serons jamais. Et toi, tu as de la famille à l'étranger ? J'ai un frère et quatre neveux qui vivent aux États-Unis. Ils vivent là-bas. L'autre jour, j'ai reçu un message me disant que mon neveu allait très bien. Il a trois boulots. C'est donc que cet homme ne dort jamais. Il doit avoir trois boulots pour pouvoir vivre, alors qu'à Cuba, quand il était ici, il n'en avait qu'un. Il n'avait qu'un seul boulot. Et... il vivait bien, mais la vie est ainsi faite. Moi, je sais que je n'abandonnerai jamais ni ma ville, ni ma province, ni ma patrie. Et parfois, des mois se passent sans qu'ils appellent ma sœur, leur mère, parce que la communication coûte cher. Mais bon, ça. Les nouvelles générations veulent toujours plus. Elles voient en effet des films dans lesquels les gens ont voiture, piscine à la maison, et ça les fait rêver. Ils ne réalisent pas que ce n'est qu'un film et qu'en arrivant là-bas, ce sera le choc avec la réalité. Et une des choses qui a fait le plus émigrer de Cuba, c'est le blocus. Si on ne subissait pas le blocus des États-Unis, la vie serait complètement différente ici, à Cuba. Mais aujourd'hui, ils ont cette justification, tu comprends? Pour le moment, tu peux dire, ah non, ici, on s'en sort pas parce que tu imagines avec le blocus. Mais le blocus, c'est quoi? Ici, ça veut dire quoi? Parce que les poulets, je ne sais quoi d'autre, viennent des États-Unis. Ça veut dire qu'ils font leur combine quand ça les arrange. Si là-bas, il y avait une volonté de lever le blocus, d'entamer des relations normales comme avec n'importe quel autre pays, il n'y aurait plus de problème. Et ici, quelle serait la réaction? Si les relations sont normales, contre quel ennemi va-t-on lutter? Ce pays s'est toujours nourri de l'existence d'un ennemi. Le jour où il n'y aura plus d'ennemis, fini. Il n'y aura plus personne à qui reprocher la pénurie de nourriture, plus personne à qui reprocher l'état des transports, plus personne à qui reprocher quoi que ce soit. Alors là, ce serait l'écroulement d'une bonne partie du discours du régime. Ce qui se passe, c'est que là-bas, ils sont aussi obstinés qu'ici et qu'il n'y a pas de volonté d'ouverture. Et c'est sûr, il y a beaucoup de choses qui doivent changer, qui sont caduques, qui ne sont même plus révolutionnaires. Mais aussi, il y a beaucoup de choses qui, je pense, ont été bien faites, sans être parfaites. Je ne sais pas, j'ai du mal à imaginer que ce soit quelqu'un d'autre que lui. C'est vrai qu'il a une très forte personnalité et qu'il sait toujours quoi dire et que toujours... Et c'est aussi la façon dont on l'a présenté et construit à travers les médias. Sans compter qu'au début de la Révolution, la moitié de la population féminine était folle de lui et de Camilo. Quand j'ai eu 13 ans, j'ai été la première à qui on a remis le carnet de jeunesse. On me l'a remis à moi parce que je pensais que tout ça c'était bien, que c'était ce qu'il y avait de mieux, d'aider à construire, là là là, jusqu'au moment où j'ai cessé de militer. Et voilà. J'ai une histoire avec tout ce qui concerne la Révolution et Fidel, avec ma famille. Dans ma famille, j'ai aussi bien des gens qui ont lutté dans le mouvement du 26 juillet et qui ont fait partie de la sécurité de l'État, que des dissidents qui ont été faits prisonniers pour avoir essayé d'attenter à la vie de Fidel. J'ai des amis qui me donnent des informations qu'en fait, je n'avais jamais eues avant d'avoir au moins 20 ans. En fait, je ne savais pas grand-chose. Je ne savais même pas qu'il y avait des dissidents. Tu imagines ? Et ce n'est qu'après que j'ai commencé à me rendre compte de petites choses qui m'ont fait douter, qui m'ont fait réfléchir et me demander si tout était vraiment juste. Et après toutes ces années, on a commencé à réaliser peu à peu que l'illusion était bel et bien une illusion et que le projet tournait à l'échec et dépendait d'une puissance étrangère pour survivre. Alors sont arrivés les désenchantements et les frustrations. Ça a été un long processus dont presque personne ne se rendait compte. Je crois que le pays est sur le point d'aborder une nouvelle étape et de dépasser ce qu'on appellera désormais le fidélisme. Le fidélisme repose sur ça. 20 idées de base, c'est l'essence du travail idéologique. Quelles sont ces 20 idées? La télévision le dit tous les jours, sous fond de musique quasiment angélique. On entend la voix de Fidel Castro qui dit « La révolution, c'est l'humanisme. La révolution, c'est l'internationalisme. La révolution, c'est travailler. » À mon avis, Raúl Castro sera obligé d'introduire des changements. Des changements qui, en dehors de Cuba, n'apparaîtront pas essentiels, mais qui, ici, à Cuba, oui, apparaîtront essentiels. Et comment vont-ils se manifester? Eh bien, ils vont se manifester à travers des choses aussi simples que de pouvoir acheter une motocyclette ou de pouvoir peut-être avoir un téléphone portable. Mais ça ne signifie pas grand-chose, me direz-vous. Si, bien sûr, à Cuba, ça signifie ouverture. Et ces changements ne vont pas se traduire par un changement de constitution du pays, ni par le renoncement au système socialiste. Les changements ne seront visibles qu'à la loupe ou au microscope. Il faut commencer à écouter ce qu'ils vont commencer à dire maintenant. Il s'agira de choses aussi simples que « il faut écouter le peuple » ou aussi simples que « nous devons libérer l'énorme potentialité créatrice de notre peuple ». Et cela signifierait admettre que les gens puissent se mettre à leur compte et qu'ils aient une entreprise. C'est plutôt bien, non? Eh bien, c'est ce qu'ils vont dire. Je crois que dans le futur, ce qui me plairait le plus, après un changement, ça serait d'avoir à nouveau le droit d'écrire dans des journaux de mon pays. Et je ne prétends pas posséder une chaîne de journaux dans ce pays. Je veux seulement disposer d'une colonne, d'une humble colonne, même une seule fois par semaine, dans un journal que les gens lisent sans que l'achat de ce journal relève du délit. Pour moi, ça serait vraiment la plus belle chose. Je ne sais pas ce qui va se passer en réalité. Ceux qui ont le plus souffert avant le triomphe de la révolution, les gens comme ma grand-mère par exemple, ou ma maman, dont la plus grande aspiration était d'avoir des enfants et de travailler chez les particuliers pour pouvoir les élever, ce que je voudrais, c'est que ce soit ce type de personne qui y gagne quelque chose en cas de changement. Un de mes amis me disait « Génial, pourvu qu'il meure, c'est ça dont on a besoin pour qu'il y ait un changement et qu'on en finisse une bonne fois. » D'autres m'ont dit « Je ne voudrais pas que ça change, parce que le capitalisme, ce serait terrible, parce que ce serait comme en Haïti ou... » Mais je ne pense pas que... Je n'aimerais pas que les choses s'arrangent par la violence. Une guerre civile. Je n'aimerais pas que mon frère, qui fait son service militaire, soit contre moi ou contre une personne de l'opposition. Je ne voudrais pas que ça se passe comme ça. Je vais te dire, s'il meurt, cela signifie un début de changement. Et s'il ne meurt pas, c'est aussi un début de changement, parce que maintenant... On sait qu'il n'est pas éternel. Avant, on le considérait ici comme la figure magique qui ne meurt pas. Maintenant, bien des gens commencent à se dire « Eh oui, il se fait vieux ». Mais le cas de la maladie ou du retrait de pouvoir ne s'était jamais présenté. Et ça, c'est déjà un début de changement. Qu'est-ce qui va se passer, à mon avis? Le plus probable, c'est que tout se maintiendra pendant un moment, la même ligne politique. Parce que changer les mentalités, ce n'est pas seulement changer le pouvoir, et en mettre un autre en place. Et c'est ce qui me fait peur. Ça, c'est ce qui va se passer, à mon avis. Et ce que j'aimerais qu'il se passe, eh bien, j'aimerais qu'ici, que d'ici même et non pas de l'extérieur, surgisse un mouvement politique à même d'affronter la situation et qu'il s'agisse de personnes qui veuillent le bien du pays. Que les choses commencent à aller mieux si possible. Mais je ne crois pas que cela arrivera. Il semble que ça relève trop de l'utopie. Je vois l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme. Je sais, avant toute chose, que le commandant sera bientôt parmi nous. Je pense que le 2 décembre va être un grand jour pour Cuba. Ça l'a été il y a 50 ans, parce que Fidel a débarqué du Granma, et je crois que le 2 décembre prochain, le commandant va à nouveau débarquer, et qu'à partir du 2, il sera avec nous. Pour ce qui est du pays, je vois le progrès. Tu te rappelles les coupures de courant qu'on avait et les problèmes qui allaient avec. Toutes ces coupures de 12 et de 14 heures en continu. Là, nous avons passé l'été avec tous les ventilateurs en marche et plus de coupures. On travaille à améliorer les transports et les transports s'améliorent. Chaque famille a maintenant un frigo qui fonctionne normalement, son autocuiseur pour le riz. Tiens, au moment où je te parle, je regarde l'autocuiseur et l'horloge. Et je réalise qu'il est 6h moins 20 et que je n'ai pas commencé à préparer le repas parce que je fais la cuisine pour ma sœur. Mais en 15 ou 20 minutes, le repas sera prêt. Et sans courir le risque d'une coupure de gaz, sans avoir à aller chercher du pétrole, du kérosène et tout le reste. Et ce sont des progrès que l'on voit peu à peu dans le pays. Pourtant, quelqu'un m'a dit que c'était vraiment compliqué aujourd'hui de résoudre les choses qui... Tiens, on n'a plus de lumière. Oui, on n'a plus de lumière. On dirait qu'elle nous écoutait. Tu vas voir, elle ne va pas tarder à revenir. Peut-être même tout de suite. C'était Cuba Silence Radio, avec les voix de Amélie Jallier, Didier Douai, Stéphane Lindon. Traduction, Jacqueline Bousquet. Remerciements, Emmanuel Boulois, Coralie, Sarah Roumette, Mathieu Fréon, Raphaël Kraft, Yann Vega, Marie-Noëlle Robert. Coordination, Alexandre Hérault. Mixage, Éric Boisset. Un documentaire proposé par Léa Garrigue et réalisé par Jean-Philippe Navarre. Ojalá se vaya, yo quiero que se vaya para pasarme de la raya. Camarades barbus, exilés, déçus, opposants ou révolutionnaires, LSD, c'est tout pour cette semaine. Pour devenir cubain, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour le grand soir ou nous réécouter à Camagüey, eh bien, c'est sur la page de la série documentaire sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter. La semaine prochaine, nous demanderons à tous ce qu'est la transmission.